je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, entre étoiles, reviens faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai. Tu es Dieu, remplis les cieux.